Hey Bobby! Bobby! Dépêche-toi, ça commence! Oh merde! Et moi aussi! J'arrive! Je ne veux plus chanter chez moi. Je suis tout le temps dérangé par mes voisins, je sais pas pourquoi. Ils me disent de la fermer. Je reçois des coups de fil anonymes de ma voisine de palier. Mais tout l'immeuble est unanime, ça cogne de tous les côtés. Moi je me tais, j'ai pas trop le choix. Il faut être respectueux, c'est normal quand tu ne sais pas qui a crevé tes pneus. Mais c'est comme ça, je ne peux plus chanter chez moi. Alors je suis venu chanter ici ce soir. Je ne suis pas certain de plaire à mes nouveaux voisins, mais au moins je suis sûr qu'on brûlera pas ma voiture. Papa la para papa, para para papa, papa la para papa, para para papa. Moi je suis ce mec dans les soirées qui braille avec sa guitare, qui sait jamais s'arrêter alors que tout le monde en a marre. Pendant que la tension monte, moi je gueule de plus en plus fort. Il est trop tard quand je me rends compte, on m'a déjà foutu dehors. Les gens n'osent même plus m'appeler, je commence à croire qu'ils ont peur de m'entendre chanter sur l'annonce de mon répondeur. C'est con, mais ça fonctionne, je chante même plus au téléphone. Alors je suis venu chanter ici ce soir. Ici les gens s'en foutent, et y'en a même qui m'écoutent. Et si je gueule un peu trop, y'a qu'à couper le micro. Je devrais pas chanter dans les bars, je ne sais pas m'arrêter de boire. Et je ne supporte plus de me vomir dessus. Mais je peux pas chanter à la télé, je suis beaucoup trop timide. D'ailleurs, rien d'y penser, j'ai déjà mal au bide. Les émissions en direct, j'avoue franchement que ça me bloque. Je trouverais pas ça très correct. Du track, je peux pas chanter à la Starac. Alors on est venu chanter ici ce soir parce que vous faites moins peur qu'un million téléspectateurs. Si on n'a rien à gagner, on sera peut-être pas éliminé. Papa la para papa, para para papa, papa la para papa, para para papa. Et du coup, faudrait que je me casse dans le désert ou en solitaire sur un bateau. Mais j'ai la phobie des requins et dans le désert il fait trop chaud. J'avais décidé de m'isoler, j'ai une idée vachement bonne. Je me suis perdu dans la forêt pour être sûr d'emmerder personne. À part peut-être les oiseaux, ils n'ont pas été déçus. J'ai pris un coup de fusil dans le dos, peut-être même pas une balle perdue. C'est con, mais c'est comme ça, on peut plus chanter dans les bois. Alors on est venu chanter ici ce soir. Ici les gens sont cool et souvent ils sont pas armés. C'est bien plus convivial et vachement mieux pour la santé. Alors on est venu chanter avec vous ce soir ce petit refrain tout con qu'on va chanter tous ensemble. Papa la para papa, para para papa, papa la para papa, para para papa.